Le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a transmis le 13 au secrétariat de l'ONU la lettre adoptée le 9 dernier à la réunion conjointe du gouvernement, des partis politiques et des organisations sociales de notre République. En voici le résumé. Plus de 70 ans ont passé depuis la division de la nation coréenne, fière de son histoire 5 fois millénaire et de sa brillante culture, par les forces étrangères. Notre respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti Travail de Corée, a pénétré les douleurs croissantes de la nation et la situation de la péninsule coréenne de plus en plus exacerbée et présenté sur tous les plans l'orientation et les moyens de régler le problème de la réunification du pays par la force de la nation. Les lignes et orientations de la réunification du pays jouissent du soutien absolu de tous les compatriotes pour leurs idées profondes et véracité, la rationalité et l'éminence des projets pratiques et la sincérité ardente patriotique. La volonté de notre parti et du gouvernement de notre République d'ouvrir une nouvelle voie au rapport Nord-Sud et à la solution de problèmes de la réunification suivant ces lignes et orientations est inébranlable et le rideau de cette lutte est déjà levé. Le problème, c'est l'attitude et la position de l'ONU qui a les liens profonds à la division et au problème de la réunification de la Corée et qui doit jouer un rôle important. Rappelons que l'ONU a lancé les forces armées multinationales abusant de son nom à la guerre d'agression déclenchée par les États-Unis dans les années 1950, après avoir fixé la division de la Corée au nord et au sud par l'intervention injuste au problème de la Corée et précipité les Coréens tout innocents aux catastrophes et morts. Tous ces crimes ne peuvent jamais être effacés sur ce sol, bien que le temps s'écoule. Si l'ONU n'a pas oublié ses missions et devoirs de sauvegarder la paix et la sécurité de l'humanité et s'attacher à l'émancipation du monde et la justice, il est digne qu'elle doit, bien que tard, ne serait-ce que maintenant, aider de bon cœur la lutte du peuple coréen pour réunifier le pays en toute indépendance et par voie pacifique, pour ainsi indemniser ses fautes. Mais aujourd'hui encore, l'ONU sympathise avec la division de la péninsule coréenne au lieu de sa réunification, tout en traitant de façon injuste notre République, État souverain légitime et son membre digne, sous la baguette des États-Unis. Toutes les résolutions de l'ONU sur les sanctions contre notre République en sont le dévoilement intensif. L'ONU doit distinguer de sa propre tête et avec raison ce qu'est la vraie menace et la vraie provocation et ce qu'on doit accuser et juger sans se conduire sous l'arbitraire des États-Unis. Il faut faire remarquer que les États-Unis n'ont pas appliqué comme ils font jusqu'à présent, mais ont violé les plus grossièrement toutes les résolutions sur les droits de l'homme adoptées à l'ONU à des dizaines de reprises. Toutefois, ils se conduisent comme protecteurs des droits de l'homme en s'immisçant à tort et à travers aux affaires intérieures des autres pays, ce qui est vraiment absurde. Tout cela montre la réalité tragique de l'ONU réduite à un dispositif politique d'un pays sans aucune norme ni jugement dans ses activités. Bien que les pays grands ou petits existent dans la communauté internationale, il n'y a pas de hiérarchie entre les pays. Au lieu d'exercer la pression sur les petits pays, notamment la République populaire démocratique de Corée, avec la double norme privilégiant un pays, et de créer d'innombrables obstacles contre l'aspiration et le développement indépendant des petits pays, l'ONU doit voir l'essence des questions posées avec le point de vue équitable et raisonnable et faire un apport à la solution. Comme il a été déjà déclaré, la réunification coréenne doit être réalisée de façon indépendante grâce aux efforts conjugués de notre nation et nous avons la base et la force suffisantes pour cela. L'ONU ne doit plus rester impassible devant la tentative des États-Unis de perpétuer la division en se mêlant toujours au problème de la réunification de notre pays ou se ranger aveuglément à leur opinion, adhérer strictement au principe de respect de la souveraineté et du droit à l'autodétermination de notre nation en ce qui concerne la réunification coréenne. Si l'ONU désire vraiment la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et le reste de la région, elle doit exercer son influence de sorte que les États-Unis abandonnent l'injuste ambition d'agression et l'hostilité à l'égard de la Corée. Le secrétaire général et autres personnalités responsables du secrétariat de l'ONU sont invités à apporter une contribution positive à la détente dans la péninsule coréenne qui fait l'objet du plus grand intérêt du monde et à la solution du problème de la réunification coréenne pour écrire une page significative de l'histoire de l'ONU.